Chapitre 19e, l'anachorète. La nuit était venue très vite et très noire sous l'épaisseur des branches qui faisaient l'ombre même en plein jour. Que pouvais-je tenter? Comment porter secours à ma princesse toujours immobile et que j'apercevais à peine? Doucement, avec ma trompe, je lui avais soulevé le haut du corps, la maintenant dans cette position en la balançant doucement, en l'éventant avec mes oreilles. Mais elle ne bougeait pas. Et l'idée qu'elle était peut-être morte m'emplissait d'une telle angoisse qu'à mon insu et sans reprendre haleine, je poussai des gémissements et des cris si déchirants qu'ils furent pris pour des cris humains, et c'est ce qui nous tira de peine. Je vis tout à coup trembler au loin sous les feuillages une petite lueur rousse qui semblait s'approcher. C'était une lanterne, certainement. Il y avait donc un homme dans cette solitude. Je fis mes cris plus plaintifs encore et la lueur s'approcha plus vite. Elle était dirigée de notre côté et je ne pouvais pas voir celui qui tenait la lanterne. À quelque distance, il s'arrêta, et une voix faible et un peu tremblante se fit entendre. « Qui donc se plaint ainsi ? » demandait-elle. « Qui donc trouble le repos de la forêt ? » « Se peut-il que ce soit cet éléphant ? Quelle raison a-t-il alors de gémir ainsi qu'un homme ?» Je couchai la princesse sur mes défenses, je la mis sous la lueur de la lanterne. « Ah, la pauvre enfant ! » s'écria aussitôt la voix. Et un vieillard s'approcha tout à fait, posa sa main osseuse et brune sur le cœur de Parvati. « Elle est évanouie seulement, » dit-il. « Venez, suivez-moi, ne perdons pas de temps. N'entendez-vous pas qu'un orage se prépare? Ne restons pas un instant de plus sous les arbres. » Il se mit à marcher rapidement en éclairant la route et je le suivis, portant avec précaution ma chère Parvati évanouie. Il atteignit bientôt une grande clairière au milieu de laquelle, adossé à un rocher, s'élevait une petite cabane en planche. Nous voici chez moi, dit l'homme. Je ne suis qu'un pauvre anachorète dégoûté du monde et retiré dans la solitude pour méditer. Je suis dénué de tout. La forêt m'a fourni des plantes, cependant, qui auront la vertu, je l'espère, de rappeler à la vie cette mignonne jeune fille. Ma tête seule pouvait passer la porte de la cabane. Je posai Parvati sur un lit de feuilles tandis que l'anachorète accrochait la lanterne. Il écrasa ensuite entre ses mains une herbe au parfum violent, la fit respirer à la princesse, lui en frotta les tempes et les poignets. À ma grande joie, Parvati revint à elle, se passa la main sur les yeux et sourit en me regardant. « Ah ! L'affreux serpent ne t'a pas étouffé, mon cher Iravata ! » s'écria-t-elle. « J'ai eu si peur que j'ai cru mourir !» Alors elle raconta à l'anachorète tout ce qui nous était arrivé et quel ami j'étais pour elle. Il lui dit à son tour comment il avait entendu mes plaintes et nous avait secourus. Il put lui offrir quelques fruits délicats qu'elle accepta avec plaisir, car elle n'avait rien mangé durant toute cette longue journée. « Oh, saint homme, » dit-elle ensuite, « se peut-il que vous viviez tout seul au milieu de la forêt? Combien vous devez être triste et malheureux ?»« Non, enfant, » répondit-il, « ceux qui vivent avec leurs pensées ne sont pas seuls. Au lieu de regarder comme vous la vie qui passe ou est passée, je regarde en avant. » Vers le mystère d'après la mort. Il y a là de quoi occuper toutes les minutes du jour et de la nuit. « Oh, saint homme, » dit-elle, « pourquoi mépriser la vie? Elle est douce et charmante, et le cœur se serre à penser qu'elle ne doit pas toujours durer. » Un immense éclair éblouit la princesse qui se cacha les yeux dans ses mains en poussant un cri. Enfonçant ma tête plus avant dans la cabane, je bouchai toute la porte avec mon corps pour lui masquer les éclairs. « Pauvre petite, » dit l'anachorète, « et moi qui parle du néant final à cette fleur ravissante, qui fleurit et embaume tout autour d'elle ?» Il lui écarta doucement les mains qu'elle crispait toujours sur ses yeux. « Ne crains rien, » dit-il, « nous sommes ici à l'abri de l'orage. » Et pour la distraire, il ajouta, « si tu veux, je vais te conter une histoire qui te fera comprendre pourquoi je n'aime pas un monde où le hasard peut servir un voleur et un menteur et le combler de bienfaits. « Oh, je vous en prie, » dit Parvati, oubliant l'orage, « contez-moi cette histoire. » « Voici, » dit l'anachorète. Autrefois vivait un brave homme ignorant qui possédait une nombreuse famille. Après avoir mendié longtemps, ils entrèrent, lui et les siens, au service d'un homme fort riche nommé Shtuladatta. Les enfants de Harisarman, c'est ainsi que s'appelait le brahman, gardaient les vaches, les moutons et les bêtes de la basse-cour. Sa femme vaquait aux besoins du ménage, lui-même fut attaché à la personne du maître. Un jour, Shtuladatta célébra les noces de sa fille, mais il omit d'inviter Harisarman à cette fête. « Bien sûr, » dit celui-ci à sa femme, « On me méprise à cause de ma pauvreté et de mon ignorance, mais je vais me faire passer pour un savant, afin que Shtuladatta m'estime. À l'occasion, tu pourras dire que je suis un devin très fort. » Alors il fit sortir le cheval du gendre de Shtuladatta de l'écurie et le cacha dans un endroit écarté de la forêt. Le fiancé, la fête terminée, voulait rentrer chez lui avec sa jeune femme, mais il ne put retrouver son cheval. On bâtit la forêt, on fouilla les clairières, les invités se dispersèrent pour retrouver les traces de l'animal, mais ils revinrent bientôt sans avoir pu rejoindre le fugitif. Alors la femme de Harisarman s'avança et dit « Mon mari aurait bien vite retrouvé le cheval perdu. Il est devin et connaît le langage des astres. Pourquoi ne le questionnez-vous pas ?» Shtuladatta fit appeler Harisarman et lui dit « Peux-tu m'indiquer l'endroit où se trouve le cheval perdu ?» Harisarman répondit « Maître, tu as convié une foule d'invités pour assister aux fêtes des fiançailles de ta fille, mais tu n'as pas daigné m'inviter parce que je ne suis qu'un pauvre brahman. Vois pourtant, parmi tous ceux qui sont venus te rendre visite, nul ne saurait te faire retrouver le cheval de ton gendre, et tu es forcé d'avoir recours à moi, que tu méprises. N'importe, je ne suis pas rancunier, et je saurais t'indiquer, grâce à la science que je possède, l'endroit où est maintenant celui que tu cherches. » Alors il tira des lignes cabalistiques, fit des cercles magiques, et finit par désigner l'endroit où il avait caché le cheval. À partir de ce moment, on le tint en haute estime dans la maison de Shtuladatta. Peu de temps après, un vol fut commis dans le palais du roi. On y avait dérobé des joyaux, des pierres précieuses et de l'or. Le roi, ayant entendu parler de Harisarman, le fit venir au palais et lui dit « On m'a vanté tes vertus de devin. Saurais-tu m'indiquer les misérables qui osaient s'introduire dans mon palais pour voler mes trésors ?» Harisarman, fort embarrassé, s'inclina devant le roi et parla ainsi. « Grand roi, maître puissant, tu me prends à l'improviste. Grâce à ma profonde science, en effet, nul secret ne reste voilé à mes yeux perspicaces. Je découvre ce qui est couvert. Je mets au grand jour ce que les autres voudraient cacher à jamais. Donnez-moi jusqu'à demain, pour que je puisse me mettre en contact avec les astres. » Le roi le fit conduire dans une chambre du palais où Harisarman seul devait passer la nuit. Le vol avait été commis par une servante du palais nommée Chiva, la langue, et par son frère. Pleine d'angoisse et craignant que le prétendu devin ne les dénonce au roi, Chiva alla à pas de loup vers la porte de la chambre qu'occupait Harisarman, dans l'espoir de surprendre quelques-unes de ses paroles. Le faux devin n'avait pas moins peur que la servante infidèle et poussait des imprécations contre sa langue, Chiva, qui lui avait suscité tant d'ennuis. Il s'écria « Oh, Chiva, langue, qu'as-tu commis dans ta convoitise stupide ?» Chiva s'imagina que ses paroles s'adressaient à elle. Elle entra dans la chambre et se précipita aux pieds de Harisarman, lui indiqua l'endroit où elle avait caché les joyaux dérobés, le supplia de ne pas la trahir et lui promit, s'il voulait se taire, de lui remettre tout l'or provenant du vol. Le lendemain, Harisarman conduisait le roi vers l'endroit où se trouvaient les pierreries, mais l'or il le garda et dit au roi « Seigneur, les voleurs en s'enfuyant ont emporté l'or. » Le roi, fort satisfait de rentrer en possession de ses joyaux, voulait récompenser Harisarman, mais un conseiller du roi l'en empêcha et dit « Tout cela n'est pas naturel, ô roi. Comment veux-tu qu'une pareille science fût possédée par quelqu'un qui n'a pas étudié les textes saints ? Très certainement, cette histoire était arrangée d'avance entre Sir Harisarman et les voleurs. Pour que je sois convaincu de la science de ce prétendu devin, il faudra le mettre encore une fois à l'épreuve. » Le roi s'entretint durant quelques instants à voix basse avec son conseiller. Celui-ci sortit et revint bientôt, portant entre ses mains un pot tout neuf, fermé d'un couvercle dans lequel on avait introduit un crapaud. Le roi, s'adressant à Harisarman, lui dit « Si tu devines ce que renferme ce pot, tu jouiras de tous les honneurs, sinon tu seras mis à mort pour avoir osé me tromper. » Harisarman se crut perdu. Des souvenirs, vifs comme les éclairs, traversaient son esprit. Il pensa à sa joyeuse jeunesse. Il se rappela que son père l'avait désigné autrefois par un sobriquet, le crapaud, et machinalement, il dit en se parlant à lui-même, mais assez distinctement pour être entendu, « Ce pot est à prison, mon petit crapaud. Grâce à lui, tu es bien inquiet, tandis qu'autrefois tu étais au moins libre. » Tous ceux qui l'entouraient pensèrent naturellement que ces paroles s'adressaient au crapaud enfermé dans le pot. L'épreuve parut concluante. À partir de ce jour, le roi fêta Harisarman, le combla de bien, et depuis, il occupa le rang d'un prince. « Voici, » conclut l'anachorète, « une histoire qui démontre qu'il n'y a pas de justice en ce monde et qu'il faut désirer d'en sortir, pour trouver un monde meilleur ou même lui préférer le néant. « Oh, saint homme !» dit Parvati. « L'histoire de Harisarman n'est pas finie, et qui sait ce qui lui arrivera par la suite ?» Une punition d'autant plus terrible peut-être qu'elle aura été retardée le frappera, ou bien il souffrira de ne pas être ce qu'il paraît, de ce savoir voleur et menteur quand on le salue honnête homme et savant. Il me semble que dans la vie on est toujours puni de ses fautes. Vois plutôt ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Iravata, le plus sage des éléphants, pour la première fois, n'a pas eu sa prudence accoutumée. Il s'est enfoncé trop avant dans la forêt et moi, au lieu de le retenir, amusé par notre escapade, je l'ai poussé à aller plus loin encore. Nous avons manqué périr tous les deux, puis l'orage a grondé sur nos têtes et nous voici en pleine nuit au milieu de la forêt, à une distance effrayante du palais de Golconde où mes parents bien-aimés, pleins d'angoisse, pleurent sans doute leur fille coupable. En disant cela, Parvati avait des larmes dans ses beaux yeux et en l'entendant, je baissais la tête et pleurais aussi. « Ne vous désolez pas, » dit l'anachorète qui me regardait attentivement. « Les dangers que vous avez courus vous ont peut-être sauvé d'un danger plus grand. » Cet éléphant, qui s'est élevé moralement à la hauteur humaine, le connaît sans doute ce danger, et il est le seul coupable. Je tremblais de tous mes membres sous ce regard qui me devinait en entendant ces paroles qui m'accusaient, et je baissais la tête de plus en plus. « Qu'il prenne garde, cet éléphant, » dit-il encore. En se rapprochant de l'homme par la raison et la pensée, il gagnera aussi les défauts et les passions de l'homme. Je vois, dans la suite de sa vie, je vois qu'il sera malheureux. Et l'artisan de son malheur à cause d'un sentiment trop humain. Un grand silence régna après ces paroles prophétiques. Parvati était tout ému et moi je n'osais pas relever la tête. Je me reculais même, découvrant la porte que j'obstruais de mon corps. Alors une clarté douce et vive, couleur de turquoise et d'émeraude, entra dans la cabane. L'orage était fini et la pleine lune, dans un ciel où fuyaient encore quelques nuages, venait de se lever. Les fleurs et les feuillages, ravivés par la pluie, embaumaient. « Partez, mes amis, » dit alors l'anachorète d'une voix très douce. « L'orage vous a servi. Ceux qui vous attendent ne sont pas aussi inquiets qu'ils auraient pu l'être. Se fiant à la sagesse de l'éléphant, en qui ils ont toute confiance, ils croient qu'il s'est abrité de l'orage. Et c'est cela seulement qui cause votre retard. Allez, la lune est claire comme en plein jour. Que le roi et la reine de Golconde ne sachent jamais la vérité. » Chapitre 20e. Désespoir. Grâce aux Anglais qui s'étaient interposés et avaient fait cesser la guerre, un traité de paix avait été signé entre le Maharaja de Mysore et le Raja de Golconde, mon maître. Mais sous des apparences d'amitié, la rancune couvait toujours, et cette paix, dont la rupture eût causé la ruine de mon maître, moins puissant que son ennemi, on cherchait le moyen de la consolider. Celui qu'on en trouva fut terrible, terrible pour moi, et amena le malheur que l'anachorète m'avait annoncé, et comme il l'avait prédit, je fus le propre ouvrier de mon infortune. Parvati devint tout à coup singulière. Une préoccupation qu'elle ne me disait pas l'absorbait continuellement, et je ne pouvais deviner si elle était triste ou joyeuse. Des heures entières, elle restait immobile, étendue dans son fauteuil de rotin, les regards fixés devant elle, ses petites mains comme crispées sur les bras de son siège. Je crus comprendre qu'elle était surtout inquiète, impatiente. Elle semblait attendre quelque chose. Mais elle, qui d'ordinaire me disait toutes ses pensées, restait mystérieuse cette fois-ci. Un jour, je la vis dans la grande avenue de Tamarinier, regardant avec une attention extrême un objet qu'elle tenait dans la paume de sa main. Elle l'élevait à la hauteur de ses yeux, l'approchait tout près, puis l'éloignait et clignait les paupières. Elle finit par laisser retomber son bras en courbant la tête. Je m'approchai d'elle, et je vis qu'elle avait des larmes dans les yeux. Alors, poussant des cris plaintifs, je m'agenouillai devant elle, tâchant de lui faire comprendre combien je souffrais d'ignorer la cause de son chagrin. Elle avait compris, et me fit relever en me flattant doucement de la main. « Je vais tout te dire aujourd'hui, Iravata, » s'écria-t-elle. « Si je me taisais, c'est que je redoutais d'énoncer des choses que j'aurais voulu laisser dans le néant. Les évoquer dans des mots, cela me semblait devoir leur donner une sorte d'existence, un commencement de réalité. » J'attendais, j'espérais que tout cela s'évaporerait, comme les nuages au ciel présageant un orage et qui se dissipent sans qu'il éclate. Maintenant, tout est certain. Je tremblais d'angoisse en l'entendant parler ainsi, et d'une voix si grave. Elle était assise sur un banc sculpté, en bois laqué rouge et or, et regardait encore cet objet caché dans sa main. « Je suis princesse, » reprit-elle. « J'ai cru longtemps que cela signifiait que j'étais plus puissante, plus riche, plus libre que les autres mortels. J'ai appris que ce n'est pas cela seulement. Nous nous devons, paraît-il, au bonheur du peuple dont nous sommes les chefs, et notre devoir est quelquefois de leur sacrifier notre propre bonheur. Le bonheur du peuple, la sacrifier elle, qu'allais-je donc apprendre? Tout à coup, elle ouvrit sa main, me montra un petit portrait encadré d'or et de diamants. « Vois-tu, c'est un prince, » dit-elle, « examine-le bien. » Cette face large, ce teint presque noir, sous le turban couleur de neige, cette bouche épaisse surmontée d'une moustache ébouriffée, ces longs yeux à demi fermés qui ont un air si narquois. Tout cela constitue une figure qui ressemble peu à celle que je m'imaginais devoir être celle d'un jeune prince. Et encore, ajouta-t-elle, il doit être flatté. Elle élevait le portrait à la hauteur de mon œil droit et je fermais l'autre pour mieux regarder. Autant qu'un éléphant peut distinguer une peinture, et surtout d'après la description qu'en donnait la princesse, je reconnus que celle qu'on me montrait représentait un être très redoutable, un ennemi. Et à peine avais-je aperçu cette image que je pris en haine celui qu'elle reproduisait, sans savoir encore combien j'avais raison de le haïr. « Ce prince s'appelle Balaji Rao, » dit Parvati. « C'est le fils du Maharaja de Mysore, celui qui, au temps de ma naissance, fit une guerre injuste au roi mon père, qui ne fut sauvé d'une mort honteuse que grâce à toi, mon cher Iravata. Eh bien, vois comme est singulière la destinée des princes. Ce Balaji, fils de celui qui voulut me faire orpheline, on va me marier avec lui pour rendre durable la paix entre les deux royaumes. La marier? Ce prince ne m'a jamais vue, continua-t-elle. Je ne le connais pas. Comment pourrait-il y avoir de l'amitié entre nous? Aussi ne s'agit-il pas d'amitié, mais de politique. Je me dois au bien de l'État. Me plaindre serait indigne de ma noble origine, et de me voir triste, cela tristerait mes chers parents qui semblent se réjouir de cette alliance. J'étais atterré. Je restai immobile et muet pendant quelques instants, mais je ne pus me contenir, et je me mis bientôt à trépigner en poussant des cris de détresse. « Non, non, Iravata, » s'écria-t-elle, « ne te désole pas ainsi. Tes plaintes semblent exprimer mon propre chagrin, et je ne veux pas qu'il soit exprimé. Je l'étouffe en moi-même, je refoule mes larmes. Je veux être une fille vraiment royale, digne de la longue et double file d'aïeux, qui forme dans l'histoire une chaîne lumineuse, dont je suis le dernier anneau. D'ailleurs, on ne te séparera pas de moi, cela je ne l'accepterai jamais. » Ne pas me séparer d'elle quand déjà, libre encore, elle était si peu avec moi. Ah, pourquoi n'était-elle pas restée l'enfant sur laquelle je devais veiller? Être ensemble était alors un plaisir pour elle comme pour moi, tandis qu'à présent, je la sentais occupée de tant de choses qui ne me concernaient pas, distraite par tant de plaisirs où je n'étais pour rien. Quand elle serait mariée, elle aurait une cour à elle, tout un palais à organiser et à diriger. Qu'est-ce que je deviendrais, moi? J'avais honte de gémir ainsi sur moi-même et de ne pas penser à sa peine à elle. Mais un sentiment nouveau, dont je n'étais pas maître, s'éveillait et grondait en moi, une fureur, une haine farouche contre cet homme inconnu qui allait me prendre ma petite princesse. Elle me défendait d'exprimer mon désespoir, et il m'étouffait. Je n'avais pas une âme royale, moi, je ne devais rien à mes aïeux, je n'étais qu'une bête des forêts, amenée par la fréquentation des hommes à penser et à souffrir, mais je ne savais pas encore, comme eux, dissimuler mes sentiments. Je souffrais, il me fallait crier, et puisque ma princesse ne le permettait pas, je m'enfuis tout à coup de sa présence, et j'allais, comme une bête blessée, me lamenter sur la litière de mon étable. Chapitre 21. Jalousie. Il parut un jour au palais de Golconde, l'ennemi, le fiancé, celui que je haïssais d'avance. Quand je le vis venir de loin, parlant en riant à Parvati, une flamme rouge dansa devant moi, et je fermai les yeux aussitôt pour tâcher d'échapper à la frénésie de fureur qui m'envahissait à cette vue. Je les entendais s'approcher. Cette voix inconnue pénétrait dans mes oreilles, y bourdonnait, me piquait comme une flèche aiguë. À l'entendre, je revoyais la guerre sanglante, les corps broyés sous mes pieds, mon maître enchaîné honteusement et notre fuite périlleuse à travers les jongles. Un tremblement me secouait de haut en bas. Je courbai la tête en tenant mes yeux obstinément fermés, et je me mis à labourer le sol avec mes défenses pour user ma rage. Je les entendais toujours s'approcher, elle de son pas si léger, lui traînant nonchalamment les pieds. Il m'avait remarqué, c'était de moi qu'il parlait. « Tiens, disait-il, vous avez un éléphant blanc. Je sais que dans certains pays on a beaucoup de vénération pour les animaux de cette espèce, à Siam, entre autres, la patrie de la reine votre mère. Chez nous, on est moins naïf. On aime les éléphants blancs pour la parade, mais on les estime moins que les autres parce qu'ils sont moins robustes. Parvati s'était arrêtée devant moi, inquiète de ma sourde colère, bien visible pour elle, cherchant à m'apaiser de sa douce main, et sa voix tremblait un peu quand elle répondit au prince. Iravata est le bon génie de ma famille. Il incarne certainement un de nos aïeux et il est pour moi l'ami le plus cher. Pas plus que votre fiancé, j'espère, dit-il avec un rire suffisant. Celui qui m'est dévoué depuis ma naissance m'est mieux connu que le fiancé d'hier. C'est sérieux, s'écria Balaji en riant plus fort. Faut-il que je sois jaloux vraiment de cette grosse bête-là? Je ne puis me retenir d'ouvrir les yeux, et devant l'expression de mon regard, croisant le sien, le prince se recula de quelques pas. Par Kali qui danse sur des morts, dit-il, votre ancêtre n'a pas l'air très agréable. Ses yeux sont plus féroces que ceux d'un tigre. Éloignons-nous, je vous prie, dit Parvati. Je ne sais ce qui l'irrite, mais Iravata n'est pas comme à son ordinaire. Je m'éloignerai très volontiers, dit le prince, en cherchant à cacher sa peur, car je déteste le voisinage des éléphants à cause de leur odeur. Il me tourna le dos, s'en alla à grands pas, tandis que Parvati, avant de le rejoindre, les mains jointes, me jeta un regard plein de supplications. Mais il avait bien fait de partir. Je n'aurais pu me maîtriser. L'idée de l'écraser sous mes pieds, de le pétrir en bouillie m'était venue un instant, et malgré la honte que j'éprouvais d'un sentiment aussi coupable, je ne pouvais le chasser.